Clément. Bonsoir Tonaï. Oh bonsoir, j'étais pas prêt. Ah bah excuse-moi, okay, c'est parce que tu sais il est un peu tard, on a un peu pris. Oui, on a eu un week-end compliqué, on a eu un week-end chargé. Non, je sais, j'étais là une partie. Non mais toi aussi t'as eu un week-end compliqué de ton côté. Ça, compliqué, c'est... chargé, plus que oui, compliqué. Oui voilà, plus chargé que compliqué, ouais. Oui quand je veux dire, oui c'est vrai. Quand je dis compliqué c'est plus en termes d'heures de sommeil, mais on n'est pas vraiment... Ouais c'est vrai, non ça va, franchement comparé à la semaine dernière, ça va. Je suis bien là. Est-ce que t'as bien dormi aujourd'hui? Oh ouais. Aujourd'hui, je fais ma petite grasse mat. Oh, enfin. Ah ouais. Ah non, mais ça fait du bien. Hein. Bah oui, tu devrais y penser. Hein, mais j'y arrive pas. Mais ouais. Je crois que j'étais réveillé à 8h30 ou un truc comme ça. Oh la vache. Oui. Ah bon, non. Non mais c'est rien. Qu'est-ce que je voulais dire? On est là pour faire un truc. Alors attends, j'ai une capsule. Ouais bah si. J'allais dire t'es fort en impro. J'ai une capsule dans la tête et ça vient. Bah, je pense qu'on est en plein dedans. On est en plein dedans, ouais. On est là. Alors comme on avait dit dans le dernier podcast, on aura peut-être, il y avait peut-être pas de prochaine capsule. Heureusement, on sort les doigts du cul. On se rend disponible un dimanche soir. Ouais, mais par contre, t'es vite, quoi. Attends, tu me dis ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis cool. Je suis au week-end. Bah, et là, tu m'appelles il y a 5-10 minutes. Ouais. Machin, oui, finalement, on va faire une surprise aux gens. Ouais. Ok. Bon, bah voilà. J'ai écouté 40 albums en 15 minutes. Mais oui, merde. Je sais bien. Oui, heureusement qu'il y a les x2 et x3, sinon t'aurais pas réussi. Donc, petit rappel rapide du concept. Cette année, dans l'épisode classique de Road to Hellfest, on parle des groupes qui viennent pour la première fois. Et pour les groupes qui sont déjà venus, on a besoin quand même d'avoir l'avis de Tonight. Donc, on a fait ces petites capsules. Eh, je vais vous le donner, mon avis. Et donc, je pense que tu pourrais tout de suite commencer par un premier générique. Oh, yeah. Boum, ptz, boum, ptz. Samba. Samba. Donc on va commencer tout de suite par parler d'un groupe qui fait pas dans la samba. Ça m'aurait étonné. Ouais, il est un peu plus mélodique comme groupe. D'accord, ok. Est-ce que tu visualises? Mélodique, ça peut être plusieurs là. Hein. Alors, je peux me faire avoir. Ouais, non, je les ai pris dans l'ordre. Il y a pas de piège. Donc si tu l'as normalement. Ah, je l'ai pas. Attends, si peut-être. Ah, ok, je pense. Tu penses? Dans la, comment dire? Bah, une espèce de bagarre mélodique. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire, mais d'une autre manière. Bah, tu penses qu'on va parler de qui alors? The Defeater. On va exactement parler de Defeater. On va parler de Defeater qui effectivement est plutôt un groupe qui fait dans la bagarre mélodique, à savoir du hardcore mélodique. Donc groupe américain depuis 2004, hein, okay. Ça commence à faire un petit bout, fait... et qui est déjà venu à Hellfest en 2015, un peu comme de Minot Ghost Train. Midnight. À chaque fois, je le dis exprès, ça te mal et que ça te. Ah, tu fais exprès. Mais oui, parce que ça t'a perdu. Donc. À chaque fois. Mais non, c'est pour la te perdre. La dernière fois, c'était Manet Ghost Train. Mais non, j'ai pas été jusque là. Est-ce que donc à la base, donc comme je te disais, oui, donc c'est un groupe américain qui vient de Boston, qui s'est formé en 2004, apparemment. Dit-il en priant. Oui, je fais ça, mais en fait, c'est parce qu'à la base, le nom du groupe c'était Sluts. Ah, ok. Il s'appelait pas totalement Defeater, ouais. Mmh. Non, en fait, c'est un groupe qui s'est créé en 2004 autour du producteur Jay Mass, et donc qui était connu pour son boulot dans plein de groupes de ce style-là. Et en fait, il y a eu plein de changements de line-up, et le groupe se stabilise enfin en 2008 autour de l'espèce, pas de line-up total actuel, mais d'une partie du line-up. D'accord. Dont le chanteur principal, à savoir Derek Archambault, qui est lui vraiment, on va dire, un peu un des personnages centrales du groupe. Parce que quoi? Parce que c'est un groupe qui a une petite particularité. La connais-tu? Qui font dans la... Bah, on l'a dit peut-être, le fait qu'ils fassent dans la bagarre un peu mélodique. Et tout à fait, mais pas que. Ah bon. En fait, c'est parce que tout leur travail musical s'articule autour d'albums concept. Ok. Donc tout leur album, et en fait, c'est des histoires qui concernent une famille américaine du milieu du 20e siècle entre la prospérité au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et la misère. Et en fait, chaque album représente une histoire fictive donc de cette famille. Et en fait, à chaque fois, c'est centré sur un des membres de la famille ou autour de la famille. Ok, ok, c'est pas, je pensais que j'allais, enfin, genre, c'était, ça allait parler d'une période. Non, non, non, non, en fait, ça concerne une famille. Okay. Voilà, ça concerne une famille. Et en fait, à travers ça, ça permet de traiter d'un large éventail de difficultés sociales, dont celles liées au retour du front, les difficultés et la violence au sein d'une même famille, les addictions, l'exclusion. Et en plus, il y a une place très importante au niveau de la religion. D'accord. Alors, okay. Tu vois, parce que par exemple, le premier album, c'est, ça parle du fils bâtard du prêtre. Qui sera, dont, qui sera le point de vue qu'on va suivre dans l'album Abandoned. Okay. C'est toujours la même famille à chaque fois? C'est toujours la même famille, voilà, d'accord. C'est ça, non, okay, c'est ça qui est intéressant. Okay. Donc lui, c'est le fils bâtard du prêtre qu'on retrouve dans le quatrième album Abandoned. Okay. Quatrième ou cinquième album, j'ai pas tout noté. Il couvre donc la naissance de ce dernier jusqu'au meurtre de son père, sa fuite, le meurtre du frère aîné et son suicide après avoir rencontré le prêtre. Wow. L'EP qu'a suivi, c'est une sorte de rejeton du prophète en civil que le jeune frère rencontre sur la route. Donc tu vois, ça continue même genre en histoire à côté. Empty Day et Sleepless Night couvrent le frère aîné depuis le meurtre du père jusqu'à sa mort aux mains du fils bâtard. Ouais. Litter Home est dans l'ordre chronologique inverse, mais c'est du point de vue du père. D'accord. Du père de famille qui doit donc pas être techniquement le prêtre. Et Abandoned est du point de vue du prêtre à travers la relation qu'il a avec la mère et la rencontre finale avec son fils avant que son fils ne se suicide. D'accord. Bah, c'est bien vu, hein, comme concept, parce que tu peux, aller vers plein de sujets, quoi. Bah, voilà. Et ce qui est intéressant de traiter de trucs de ce point-là, c'est qu'à, enfin, en plus d'être intéressant, c'est que tous les fans attendent toujours l'album qui va parler de la mère. Qu'il soit du point de vue amer. En fait, j'ai vu beaucoup d'interviews et beaucoup de gens en parlaient en disant, mais quand le prochain, est-ce qu'il va parler de la mère et tout? Et les gens, ils ont, et les membres du groupe ont tendance à dire, bah, on sait que c'est ce que les gens attendent, donc on ne le fera pas. Tu vois, ils sont là, on va pas le faire maintenant. C'est un peu bâtard quand même. C'est un peu bâtard. Mais ce qu'on peut aussi, donc, noter par rapport à ça, c'est que, le dernier album, il date de 2019. D'accord. Donc ça commence un petit peu à remonter. Ouais. Donc je serais pas, j'ai pas encore, j'avoue que j'ai pas bien cherché de ce côté-là, mais j'ai pas trouvé d'infos qui disaient que ça allait venir bientôt, quoi. Mm. Parce que tu vois, il y a eu un 2008, 2011, 2013, 2015, 2019. Donc ça devrait pas. Par contre, quand tu y penses, tu te dis c'est impossible qu'ils aient déjà pas plein d'idées sur le sujet de la daronne, en vrai. Bah en vrai, il en parle à un moment, il en parle à un moment donné, je crois. Il le dit. Comment il en parle? En gros, on se retient, mais à un moment donné, ça va éclater, c'est obligé. En fait, déjà, en plus, faut dire que lui, en fait, il commence toujours à travailler par la musique. Ok. Il travaille d'abord sur la musique et après, il réfléchit un peu comment amener l'histoire et de quoi il va parler exactement. Mmh. Okay. En fait, mais peut-être qu'en amont, peut-être que dans son cerveau, ça travaille en disant, bah, ça sera tel protagoniste, tel truc, où il se dit, ah, ce point de vue-là, il serait intéressant pour revenir rebalancer. Mmh. Mais c'est pas forcément, voilà, il s'est pas tout le temps acté. Mais ce qui est très marrant, c'est que les histoires sont tellement bien faites au sein des paroles que c'est arrivé plein de fois que des gens viennent les voir en fin de concert pour dire putain faudrait trop faire un film de ça, faudrait faire un film. Oui, les histoires sont tiennent la route et sont accrocheuses. Voilà. Et en fait, bah lui il dit toujours non, c'est pas encore le moment, donc ça viendra voilà. Ah oui, d'accord, c'est pas une idée qui est vraiment complètement rejetée non plus. Non, mais c'est pas le moment. C'est pas le but en tout cas. Mais en tout cas, son idée dans la manière dont il veut traiter ses histoires, c'est qu'il veut que tout le monde sépare les disques comme étant chacun des protagonistes et se rendre compte au final que chacun peut être mauvais pour les autres. Vu que c'est toujours une question de point de vue, en fait. Tu vois, donc il y en a un, on va dire, ah, le fils, il a grandi, ça a été difficile parce qu'il a été abandonné, machin, il va essayer de se venger. Oui, mais le père, peut-être qu'il avait ses raisons à lui, et le frère, tu vois. Tu vois, parce que c'est vraiment, tu vois, pour te dire ce qu'il cite dans un truc, il dit, la relation entre le prêtre et la mère sur ce disque explique pourquoi le protagoniste de The Travel, donc le fils, est ce qu'il est, et pourquoi Travel se termine comme il a fait, et pourquoi le prêtre disait, tu es pardonné, mais seulement par moi. C'est définitivement un disque de puzzle où il met en lumière de nombreuses lacunes de l'histoire. D'accord. Sur Letter Home, dans le deuxième morceau, le père a tué le drogué qui vendait de l'héroïne à sa femme, et cela montre qu'il a tué le mauvais homme, ce qui est un tout autre morceau de l'histoire que j'espère pouvoir raconter à un moment donné. D'accord. J'adore pouvoir avoir ces disques comme un morceau d'une histoire plus grande et montrer comment les actions de chacun affectent tout le monde et comment cela conduit tout le monde à ces moments critiques de l'album où quelqu'un assassine quelqu'un d'autre ou juste par pur destin, la vie de quelqu'un est sauvée. Mais en fin de route, il gâche quelque chose ou il blesse quelqu'un qui finit par les foutre en l'air à la fin. Incroyable. Ouais, non, mais ça, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade mental, quoi. Et c'est aussi ce qui a énormément servi à populariser le groupe, mine de rien. D'accord. Bah oui, bah carrément. Bah, le concept, il est dingue, là. Ah bah tiens. Ah, ouais. Franchement. Et si tu veux en même aller encore plus loin, autre que cette partie-là, ils sont reconnus comme étant militants écologistes parce que tout Travel a été édité avec des matériaux 100% recyclés. Et le van qui est utilisé pour les tournées a été modifié afin de fonctionner avec de l'huile végétale. Et cette dernière idée fut tellement appréciée par la scène punk que l'ancien batteur Andy Red est désormais le cofondateur de Green Vans, une société spécialisée dans la location de camionnettes fonctionnant au biocarburant. D'accord, ok. Donc tu vois, c'est un peu un truc de malade. Ouais, quoi. Ouais. Donc, c'est fou ça. Ouais, mais ce qu'il faut retenir, c'est donc que le groupe part d'abord de la musique, mais a une énorme histoire à raconter. Et après, derrière, ça envoie. Et ce qui peut aussi, je trouve, l'histoire est tellement importante dans ce qu'ils ont l'air d'expliquer, je trouve que ça, du coup, ça vient vraiment appuyer la musique qui est proposée, à savoir qu'il n'est pas un hardcore que de violence, mais qui est effectivement mélodique avec beaucoup plus de nuances et tout ça, tu vois. Comme d'ailleurs, sur scène, ils ont une guitare acoustique parce qu'ils ont un morceau qui est acoustique aussi. Ok, d'accord. C'est pour leur dire, en fait, qu'ils ne sont pas limités qu'au côté hardcore du truc, quoi. Ouais. C'est vraiment c'est beaucoup plus grand que ça, quoi. D'accord. De ce côté-là. Okay. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant et passionnant. Mm-hmm. J'ai pas eu le temps plus de me plonger dans l'histoire directement des trucs, mais j'ai trouvé que c'était... C'est déjà vachement bien. Moi qui me suis plus plongé sur le côté musical, on va dire. Écoute, je t'en supplie, parle-nous-en. Alors, j'ai noté 2-3 trucs, mais je voudrais quand même commencer par dire, je réagis un peu à ce que tu viens de dire, en fait. Ça fait sens un peu. Tu vois, le côté hardcore, mélodique voilà, et tout. Voilà, tu vois, c'est ça. Et tu vois, et c'est vrai que hardcore, tu parlais de violence, tout ça, là... Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, en vrai, la souffrance interne, tu vois. Mm-hmm. Et j'imagine qu'au fur et à mesure des concepts qui sont amenés, c'est ça. Quand tu disais, ils se font tous du mal un petit peu les uns aux autres, mais c'est indirect en fait. Ils sont tous un peu victimes, ils sont tous un peu coupables. C'est leur histoire leur donne des excuses, des raisons d'eux, et c'est assez fou, quoi. C'est complètement dingue. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que en fait, c'est trop marrant parce que ce groupe-là. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début, je le mets de côté parce que je le connaissais pas. D'accord. Et en fait, je le mets de côté, mais sans à chaque fois être vraiment convaincu, parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai cru même te dire, oh, c'est pas grave, tu vois, je peux peut-être le faire sauter, je vais voir. Oui. Et au final, on avait regardé ensemble tous les deux lives. Ouais. On savait pas trop, on hésitait. Ouais. Et puis on a dit, oh, bon, on le garde quand même, celui-là, il nous plaît tous les deux. Carrément. Mais tu vois, j'aurais été. Bonne pioche. Voilà, bonne pioche. Non, carrément. C'est ouais. un truc de fou, quoi. Du coup, moi j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai envie de dire. Mon histoire avec le hardcore, ça évolue un petit peu, tu vois. Mais c'est avec ce genre de groupe-là, en fait, au fur et à mesure de mes écoutes, parce que je me suis fait la remarque, un petit peu décalée, du coup, pour le coup, parce que pour moi, écouter la musique, c'est un peu comme un rapport sexuel, tu vois, dans le sens où sans sentiment, tu vois, c'est un peu fade, c'est moins bien, c'est moins intense, les sensations, tu vois, sont beaucoup moins fortes, tu vois. Quand j'écoute de la musique, pour que ça me plaise, faut qu'il y ait des ingrédients, tu vois, qui m'attirent. Hein, de la mélodie, des émotions, quelles qu'elles soient, mariées avec la rythmique qui va toujours bien. Et Defeater, ça remplit toutes ces conditions. Hein, et j'ai envie vraiment de me laisser aller à une relation auditive sur du long terme, tu vois, avec ce groupe. Et comme une histoire d'amour, c'est des hauts et des bas, ça fait mal parfois. Ouais. Mais ce groupe, il a un magnétisme qui fait que j'en redemande en vrai. Tu vois, et ça revient à ce côté souffrance intérieure, tu vois. Ouais, mais là, ce que tu décris, c'est un peu une relation toxique. La musique, jamais elle aura le rôle de méchant, en vrai. Autant elle peut te réveiller des choses, tu vois, mais elle a pas le mauvais rôle, en vrai. En vrai, elle a pas le mauvais parce rôle. Parce que si on en redemande, c'est qu'il y a pas que du mauvais, en vrai. Je veux dire, c'est pas du Sun, moi, quoi. Moi, je suis pas. C'est pas le mauvais rôle de Sun, quoi. Ouais, non, carrément, parce qu'elle fait vraiment mal. Elle fait vraiment mal, ouais. Mais c'est vraiment le côté mélodique, moi, qui m'a tout de suite plu, et il y a un côté torturé, de toute façon, que j'aime beaucoup, et ça, c'est pas ce groupe-là qui me l'a fait le découvrir la recette de Defeater, elle a trop bien marché, et en plus, je vais pas te mentir, ce que tu rajoutes avec l'histoire que tu me donnes là, je vais aller m'y replonger, et je pense que je vais même aller étudier un peu le truc pour les albums, savoir un petit peu, et puis peut-être, je vais prendre le temps, je pense, d'aller voir un petit peu les paroles, chercher un peu, parce que moi, mon anglais est tellement nul, je passe à côté de tout, en vrai, et c'est un peu dommage sur certains concepts comme celui-là, par exemple. Donc, écoute, Defeater, moi, grosse claque, trop kiffé. Ça fait plaisir. Tu vois, ça fait partie des hasards heureux. Ouais, non, mais carrément. Parce que c'est tout qui rebondit. On a failli passer à travers, il a été repêché, et trop bien. Et tu vois, ça vient encore renforcer le côté de se dire, bon, après, c'est vrai que c'était un groupe que... Bon, toi, qui as un peu moins d'expérience, tu ne connaissais pas, et moi, que je connaissais pas non plus. Donc, ça prouve encore la qualité de cette affiche, mine de rien, de voir que tous les groupes, en fait, faut fouiller, quoi. On s'en est rendu compte, il n'y a pas grand chose à acheter, en vrai, hein, plus on en a parlé. Non, ça va plus se retrouver dans certains styles ou peut-être des trucs un peu plus modernes, c'est sûr. Mais là, tu vois, c'est marrant parce que je suis passé d'un groupe qu'on a failli mettre de côté à un groupe où je me dis, putain, j'ai hâte de voir, ça va être quoi la suite. et quand est-ce que va arriver la suite de l'histoire, quoi. Donc ouais, ça change tout, quoi. Ouais, carrément. C'est un truc malade. Carrément. Donc du coup, pour toi, Defeater, ça sera Oui. Même si je vais peut-être pas totalement dire oui pour me marier avec le hardcore, ouais. Je pense que Defeater, je m'engage. Tu veux dire, on peut partir sur un petit pax? Oh, un petit pax? Ouais, petit pax avec Defeater, ouais, sans problème. Ouais. Carrément. Non, ça sera un grand oui, ouais. J'ai trop kiffé. Moi aussi, j'ai vraiment envie en plus. Et pour le coup, comme j'ai pas eu le temps, j'ai pas été voir en live. Donc, mais on avait regardé vite fait, je crois, et ça avait l'air d'envoyer pas mal quand même. On en avait regardé deux vite fait en live. Ah oui, yes, exact. Parce qu'après, on avait regardé des clips et après, Eh ben, écoute, Tonai, merci beaucoup. Eh ben, non, merci à toi. Ce fut un plaisir. Toujours. On se dit à la prochaine capsule. Ok, bah, à bientôt. À bientôt. Salut, Tonai. Merci.